Imaginez, on sonne. Oscar est endormi et rêve qu'il ouvre une porte. Devant lui, un homme en costume est immobile, debout près d'un cheval. L'animal est recouvert par deux taches de couleur verte qui laissent deviner sa silhouette. Quelle impression générale donne ce rêve ? Difficile à dire. D'abord, est-ce qu'Oscar a envie de s'en réjouir ? Comme dans ces moments où admirer une belle image, c'est l'occasion de faire provision de soi-même. Ou bien, y a-t-il dans cette vision quelque chose de dérangeant? Est-ce la fixité de l'homme? Ou bien, est-ce le fait d'être happé par ces deux taches vertes intenses qui empêchent de voir le cheval que l'on sait être là pourtant? Difficile à dire. Il y a cet élan agréable d'ouvrir une porte. Mais ensuite, l'immobilité de la scène absorbe et affaiblit toutes les forces du rêveur. On pourrait le dire autrement. Le premier moment est intense, et puis il y a une dégringolade. Quelque chose ne tient pas. Cela pose d'autres questions. Qu'est-ce qui devrait tenir et s'imposer? Est-ce que ce quelque chose qui devrait tenir se trouve ici et maintenant? Est-ce qu'à la suite d'un rêve, il y a une expérience à vivre? Regardons Oscar. Il s'étonne et s'agace. Il aime quand sa pensée roule et passe d'une idée à l'autre. Mais là, ce rêve, c'est comme un grumeau. Il se dit pourtant qu'une bizarrerie entretient toujours un lien logique et évident avec la réalité. Alors du calme. Et puis ce n'est pas un cauchemar. Et puis il a 30 ans. Il en a vu d'autres. Être dans cet état, au réveil, une sieste. Être absorbé par ce rêve alors qu'il cuisine. C'est presque crétin. En préparant les tomates, il laisse venir une impression. La couleur dans son rêve, qui recouvre le cheval, lui rappelle le vert intense du tiercé. C'est une couleur franchement extrême, belle mais acide. Il voyait ça à la télévision. Les courses, avec les jockeys qui cravachent pour aller vite, vite, vite. Oh, les jambes dans les précipitations des courses. Et puis, hélas, les chutes. On voyait ça aussi à la télé, surtout au saut des haies, quand derrière, il y avait cette fausse rivière. Oh là là, cette couleur réveille des images de chevaux et de cavaliers blessés tombés en tas. Oh là là, détresse, filmée de très loin, avec un acharnement pour continuer le commentaire sur les pronostics des courses. Mauvais souvenir. Normalement, un rêve, ça dure combien de temps, en fait? Et une prise de conscience, combien de temps ça se garde? Alors qu'Oscar s'affaire à choisir une bonne bouteille, le voilà encore rattrapé, envahi. Maintenant par des sentiments. Tout le monde a aimé un cheval, ou plusieurs. Y replonger, c'est risqué. Mais il se revoit gamin, ce cheval noir. Le pauvre, il l'avait appelé Réglisse. Délaissé, boitant, dans un tout petit champ. Il était si beau, même maigre, il avait de l'allure. Il venait vers lui, léchait ses mains, n'avait aucune brusquerie. Pourtant, quelle vie il avait! Difficile de repenser à ça. En approvisionnant son baquet pour qu'il ait toujours de l'eau claire, il l'a tout de même soulagé dans son calvaire de bête. Allez, c'est décidé, il faut penser à autre chose. Dans son rêve, cet homme tient-il Réglisse? Lui ne le tenait jamais comme ça. Est-ce qu'il aurait aimé? Difficile à dire. Lui, ce qui lui plaisait surtout, c'était de le caresser et de lui parler, de penser à lui. Bon, ce soir, cette fête des voisins tombe bien, se dit Oscar. Le monde est tel qu'il est et moi, je suis du bon côté. Est-ce qu'on se plaint quand on a une vie aussi tranquille? N'est-ce pas indécent? Je mange à ma faim, je vis dans un abri confortable, je vais où je veux, à ma guise, et je me mets les œillères que je choisis moi-même. Personne ne me frappe. Mon corps vieillira normalement sans risquer l'euthanasie. Déjà par la fenêtre, on entend les premiers dîneurs dans le jardin de l'immeuble. Oh, il est temps de descendre et de sortir de cette ambiance intense imposée par le rêve. Ça y est. Dans le jardin, Oscar prend sa part. Déjà, il présente des deux mains son grand saladier, Endives, noix, raisins pour le partage. Ah, il a oublié les tomates. Oh, mais une bonne bouteille est serrée sous chacun de ses bras. Alors tant pis. Et là, boum, une question déboule dans sa tête. Réglisse, qu'est-il devenu ? Autour d'Oscar, on installe les plats. Pas de viande pour lui, il sait défendre ça. Oui, c'est facile à voir venir. On ne lui la fait pas. Il connaît très bien les noms des animaux qui composent le chorizo. Des chevaux, des ânes, des cochons, des poulains. Il ne va pas le dire pour ne choquer personne, mais c'est certain, il n'en mangera pas. « Je me disais bien, » dit la gardienne. « Monsieur Oscar, vous êtes des nôtres ce soir. C'est formidable, c'est gentil à vous. » Pendant qu'il la remercie aussi, Oscar entend s'esclaffer toute une famille et une adolescente qui claironne. « Laisse, papa, on attend encore Gaspard et Amaury. Ils ont préparé les petits papiers pour le jeu. » L'homme, qui s'appelle Gérard, hausse gaiement les épaules et promet à tout le monde de jouer aux histoires. L'annonce fait son effet, car c'est le genre de type qui déboussole et promet protection. C'est lui qui explique le jeu. Écoutez-moi tous! Il y a deux boîtes avec des petits papiers. De la première, les enfants tireront un prénom. De la seconde, un mot, une date ou une expression, une phrase qu'ils auront écrite. Ensuite, la personne désignée racontera une histoire, en incluant le truc tiré au sort. On commence quand vous voulez. Buvons un verre avant. Oui, servez-vous, quand le vin est tiré. Oui. Papa, papa, c'est tombé sur toi. Voici ce que tu dois dire. Je vous plains. Le père se met à rire, c'est difficile comme phrase, qu'est-ce que je vais raconter, moi, avec ça? Se tournant vers sa femme, il murmure. Tu as une idée, Roxane ? Je ne sais pas. Attends, je réfléchis. Il y a bien ce qu'avait dit ton copain du polo. Sa fille s'est élevée en furie un matin. Elle était allée dans leur chambre et elle leur avait dit ça. Je vous plains. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai oublié. Tu me l'avais dit, hein, mais je ne sais plus. Ça ne me dit rien. Ah si, ça y est. Ça y est. Allez, c'est parti. Voici une histoire qui est arrivée à un de nos amis. Je peux même donner son nom. Oh non, c'est drôle de repenser à tout ça. Tu peux inventer, papa. Je me méfie de l'imagination. Je préfère le vrai. J'avais des bons amis qui s'étaient dit qu'ils aimeraient se mettre au polo. Il leur fallait acheter un cheval. Ils se baladent en Normandie, visitent des haras. Tout ça dure un certain temps. Et puis un jour, c'est le coup de foudre. Un magnifique alezan leur fait un effet du tonnerre. Ils l'achètent aussitôt, sans discuter. Ils retournent chez eux, annoncent la nouvelle à leurs enfants et pendant des jours, tout le monde prépare l'arrivée du cheval. On organise le nécessaire et dès qu'il est là, la famille est comblée. On l'appelle Tony. On ne peut plus vivre sans lui et le père commence à faire des crosses avec son cheval. Une relation naît, au point qu'il a même dit qu'il se sentait prêt à écrire un livre. Tellement. Partout, il tient son cheval. Tout ce qu'il peut faire, il le fait avec Tony. Il en est dingue et raconte que son cheval le suit exactement comme un chien. Au bout d'un an, pendant un cross dans le Luberon, un participant lui fait remarquer que Tony boite sur quelques pas dans les changements d'allure. C'est un choc. Le cheval est montré au meilleur vétérinaire. Le verdict tombe. C'est une malformation qui lui donnera toujours un air de naze dans les changements d'allure. Ça ne le mettra pas en danger, ne changera jamais son caractère, mais ce ne sera jamais un champion. La nouvelle est rude. Heureusement, c'est un moment où le père est très pris et doit voyager pour son travail. Il prend le temps de régler la pension hippique à deux pas de chez eux, envoie le cheval ailleurs, et puis, quand les enfants n'y pensent plus, ne le réclame plus. Il passe un coup de fil et le vend pour la boucherie. Il l'avait payé cher ? Demande un voisin. La boucherie, ça n'a pas dû leur donner grand-chose. Mais papa, tu n'as pas dit la phrase ! S'exclame son fils, agacé. J'y viens ? Des mois après, vous savez comment c'est, les gosses en apprennent quelque chose ou pas, toujours est-il que leur gamine de 15 ans leur dit avoir rêvé de Tony, savoir ce qui lui est arrivé. Alors, elle leur hurle dessus en disant « Je vous plains !» Voilà, c'est fini, je l'ai dit. La sauce de cette histoire est bien nègre. Les enfants, de toute évidence, ne l'apprécient pas. Roxane décide de faire diversion en demandant à Oscar de déboucher du jus de pomme. Celui-ci obtempère tout en repensant à son rêve. Cette couleur intense, c'est comme une force qui serait plus puissante que lui. Oscar se dit « L'homme qui se tient à côté de son cheval, dans mon rêve, il l'aime. C'est sûr. » On dirait que ce rêve me sert de consolation. Allez, deuxième histoire. Quelque chose de plus gai. Les enfants nous écoutent, réclame Roxane pendant le second tirage. C'est Apolline qui doit se lancer. Elle a tiré le chiffre 14. Allez, deuxième histoire. Gustave était un valet de ferme qui était le plus gentil des hommes. Tout le monde l'aimait et lui, il était tenace, courageux, sincère, serviable. Il aimait les gens et les bêtes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est comporté d'une façon qui en a vraiment surpris plus d'un. Voici son histoire. Il avait été tout jeune soldat pendant la guerre 14-18. 14-18, ça y est, je l'ai dit. Et à son retour, quand il avait été démobilisé, il s'était mis à parler aux bêtes partout où il allait. Comme ça, en travaillant dans une poulinière, il s'était attaché à un poulain orphelin qu'il avait appelé Pilou. Il avait le droit de l'emmener chez lui, parfois, et le regarder gambader par sa fenêtre. C'était son bonheur. Alors, quand les nazis ont organisé la réquisition des animaux, lui ne voulait pas que son Pilou soit pris. Plus de carnage, il ne sera jamais éventré, sa crinière ne sera pas mise en charpille. Il restera intact, qu'il répétait à tout le monde. Et la veille de la réquisition, il est parti. Au lieu de donner Pilou comme cheval de guerre, il a disparu avec lui dans la forêt. On l'a pris pour un fou. Mais il a réussi à vivre comme ça jusqu'à la libération. Il est mort bien des années après. « Et le cheval ?» demande un enfant. Un voisin s'éclaircit la voix et répond. « Bien, bien. Après la mort de Gustave, le Pilou, on l'a retrouvé sur un marché aux bestiaux. » Oscar se demande si cette histoire correspond à son rêve. Il s'écarte de plusieurs pas pour se mettre à part, comme s'il se pinçait pour continuer de rêver. Quand il revient, c'est en se disant que son rêve représente l'homme qui a justement retrouvé Pilou sur un marché, l'a reconnu, l'a acheté pour le libérer et l'aimer. Oscar repense à son grand-père, qui disait souvent « Rien de plus con qu'un rêve ». Pourtant, qu'est-ce qu'on peut bien faire contre les sentiments ? Voilà qu'est désignée la troisième personne pour la prochaine histoire. C'est une jeune femme qui doit la raconter. Oh, elle est très belle, ses cheveux sont lâchés et elle a une silhouette qui est très attirante. Elle me plaît bien, se dit Oscar. Un verre. Oscar réclame un verre pour aller lui offrir et lui donner du courage. Le mot tiré au hasard est Islande. C'est donc au tour d'Irène de raconter quelque chose. Elle y a fait un voyage et décrit l'arrivée dans cette île, les routes sauvages, les roches fumantes et les prairies caillouteuses à perte de vue, les renards et les chevaux qui filent sans entrave, des troupeaux de chevaux qui courent en file indienne sur les chemins. On les croirait libres pour toujours. C'est ça pour moi l'Islande, dit Irène. Voilà. Elle a fini, mais elle entend un ricanement, juste au moment où elle s'arrête de raconter. Car elle a rempli sa mission. Alors, elle s'apprête à reprendre son récit, pour ne pas laisser exister ce que le ricanement cache. C'est une maligne. Elle sait que la cruauté réclame sa part. Il faut qu'elle se soulage partout, même dans les histoires. Une image de cheval libre, ça va être trop difficile à supporter. Le sadisme va chercher à imposer une mauvaise chute. Elle le sait, il faut qu'elle empêche quelque chose. Mais les idées ne viennent pas assez vite. Et puis trop tard, coiffé sur le poteau, c'est un méchant qui conclut. Il galope librement et un beau jour, ils partent en avion pour être transformés en sushi. Stupeur chez les enfants. Alors leur mère, d'une voix qui se voudrait rassurante, ajoute « Les Japonais, mais tout le monde aime les sushis, tout le monde aime les sushis. Gérard !» Il arrive !» Gérard s'écrie « Dites, je rêve ou on ne parle que de cheval dans cette soirée ? Ce n'est pas la fête des voisins, c'est la fête du cheval !» Il n'y en a que pour eux. Allez, on arrête le jeu, passons aux choses sérieuses. Les plats de résistance arrivent. Bon appétit. Ces taches vertes dans mon rêve, se dit Oscar, ça pourrait représenter le visible et l'invisible, ou ce qui existe et ce qu'on refuse, ou ce qu'on sait, mais qu'on a choisi d'oublier. Ce qui est le plus important et qu'on planque à l'abri du langage. Irène s'approche d'Oscar en disant « C'est ici le côté du buffet des gens qui... » « Oui, répond Oscar, on pourrait le dire, oui, exactement. Oui, des gens qui... Et d'ailleurs, je suis heureux de voir que vous avez aussi envie de manger, vous, sans avoir la nécessité d'être prise du ricanement des ossements qui craquent sous les dents. » À notre santé. À mon tour de vous poser une question, dit Oscar. Vous, Irène, avez-vous déjà vu en rêve quelque chose d'essentiel qui serait comme effacé sous une couleur trop vive ? Je réfléchis, mais oui. Figurez-vous qu'enfant, j'ai rêvé longtemps, qu'on sonnait, j'ouvrais une porte et un homme en costume se tenait immobile, debout, près d'un chien. L'animal était recouvert par deux gribouillis de couleur intense. Je devinais sa silhouette, mais lui, le chien, je ne le voyais pas. Et je l'aimais. Il y avait l'idée qu'il m'était ramené. Et alors ? Alors, depuis, qu'est-ce qu'il est devenu, ce rêve ? Là, j'y pense aujourd'hui, avec vous. Qu'est-ce que vous proposez ? Peut-être qu'on pourrait appeler ça un rêve effacé ? Quelque chose qui vous poursuit et s'imprime sans langage, comme le regard intense d'une bête qui vous fait confiance et vous aime. Sans rien dire, c'est ça ? Ça me va.